بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. فتنة المعذبين والهجرة إلى الحبشة. Donc l'épreuve qu'ont subi ceux qui ont été torturés parmi les croyants à Mecca est la première hijra, la première émigration vers Al-Habasha, qui est l'Abyssinie, donc actuellement l'Éthiopie-Érythrée. Allah alam, c'est... De toute façon, c'est clair que avant et maintenant, les frontières étaient sûrement pas les mêmes, et les délimitations, mais c'est à peu près ça géographiquement. Et les Éthiopiens qui étaient chrétiens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le roi est appelé An-Najashi, c'est-à-dire c'est son titre, comme Pharaon pour les Égyptiens, ou Kisra pour les Perses. قال لما ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة حتى إنهم كانوا يزبرونهم ويلقونهم في الحر ويدعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم فيقولون لأحدهم اللات إلهك من دون الله فيقول مكرها نعم وحتى إن الجعل ليمر فيقولون وهذا إلهك من دون الله فيقول نعم ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار ويتعذب وزوجها وابنها فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. Donc lorsque les torts des associateurs envers ceux qui ont cru s'intensifièrent au point où ils attachaient les croyants sous le soleil, en pleine chaleur, et Mecca, la chaleur là-bas, elle est extrême, et qu'ils mettaient une énorme pierre sur leur poitrine, au point où lorsqu'ils les relâchaient, ils ne pouvaient même pas s'asseoir à cause de la douleur. Subhanallah. Et donc les associateurs, les ennemis d'Allah, les ennemis des croyants, ceux qui leur causent des torts et des injustices, alors que leur seul crime est de dire que notre Seigneur est Allah, celui qui nous a créés, et que nous suivons les prophètes et messagers, donc un des les associateurs leur disait « Allat est ta divinité en dehors d'Allah ». Et ils étaient contraints de dire oui. Il y a unanimité des savants sur le fait que celui dont le cœur reste sur la foi et qui prononce une parole de mécréance en étant contraint et en craignant de se faire tuer, que ceci ne le fait pas sortir de l'islam et qu'il est excusé. Allah Azza wa Jal dit « Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman » Sauf celui qui est contraint et dont le cœur reste affermi sur la foi. Et les croyants ont toujours été persécutés, car les armées du diable sont nombreuses. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Et la plupart des gens ne sont pas croyants même si tu le souhaites. Et Allah Azza wa Jal dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ Et si tu suivais la majorité des gens de la terre, ils t'égaraient hors du sentier d'Allah. Ils ne font que suivre les conjectures et ils ne font que mentir, que fabriquer des mensonges. Et Allah Azza wa Jal nous a informé dans le Coran des peuples qui vécurent avant nous, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal dit « Qutila ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqood, idh hum alayha qu'ud, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard. والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Périssent les gens de l'Ukhdud. À l'Ukhdud, ce sont les fossés, les fosses, par le feu plein de combustible, car ces fosses étaient creusées et ils y étaient allumés des feux immenses, afin de jeter les croyants, ceux qui croient en Allah Azza wa Jal seul et sans associé, afin de les jeter, hommes, femmes et enfants, dans ces feux. Cependant qu'ils étaient assis tout autour, c'est-à-dire ces peuples mécréants, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre, Allah est témoin de toutes choses. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, comme rapporté dans Sahih Muslim, qu'une femme avec un bébé hésita à aller dans le feu. Et le bébé lui dit, Ya umma, isbiri fa innaki ala al-haq. Maman, patiente car tu es sur la vérité. Subhanallah. Wa dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. La justice sera ténèbre le jour de la résurrection. Et ce sera le jour où les croyants riront des mécréants. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Ce jour-là, les croyants riront des mécréants. Ils regarderont sur des divans. Est-ce que les mécréants ont été récompensés de ce qu'ils faisaient? Et Allah Azzawajal dit juste avant, au sujet de cette vie de l'ici-bas, إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. Ceux qui étaient des criminels, c'est-à-dire les mécréants, riaient des croyants. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Et lorsqu'ils passaient auprès d'eux, ils se faisaient des signes, des clins d'œil. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Et lorsqu'ils revenaient à leur famille, ils revenaient en plaisantant. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Et lorsqu'ils les voyaient, ils disaient « Ceux-là sont vraiment égarés ». Ainsi, le kafir, lorsqu'il voit le croyant, il voit qu'il est égaré. Pourquoi il suit cette religion? Pourquoi il fait salat 5 fois par jour? Pourquoi il s'habille comme ça? Pourquoi il fornique pas? Pourquoi il prend pas de riba? Pourquoi il profite pas de la vie, selon leur parole? Profiter de la vie. Nous, alhamdoulilah, on profite de la vie dans ce qu'Allah Azzawajal nous a rendu permis. Et on profite de nos familles, alhamdoulilah. Et on les éduque dans la religion d'Allah Azzawajal, dans l'adoration d'Allah Azzawajal, notre créateur. Et on s'attend à revenir à lui. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son sahih d'après Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, qui a dit, nous sommes plein au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il était appuyé sur une burda, qui est un habit, à l'ombre de la Kaaba. Et nous lui dîmes, est-ce que tu demandes pas secours pour nous? Est-ce que tu invoques pas Allah pour nous? Et il dit, كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشات الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Il lui répondit, parmi ceux qui étaient avant vous, on creusait dans la terre pour l'homme, c'est-à-dire le croyant, et on l'y mettait. Puis on ramenait une scie qu'on plaçait sur sa tête et on le coupait en deux. Et ça ne le faisait pas rejeter sa religion. Et on le coupait avec des scies, des peignes de fer, jusqu'à l'os. Et ça ne le faisait pas rejeter sa religion. Par Allah, cette affaire se complétera jusqu'à ce que le voyageur voyage de Sana'a à Hadramaut, donc c'est une grande distance, où il n'y a pas de ville, sans craindre personne à part Allah ou le loup pour ses moutons. Mais vous êtes des gens pressés. Subhanallah. Donc, un grand bienfait de la part d'Allah, Azzawajal, et qu'il a permis à cette communauté de pouvoir prononcer la parole de Kufr en étant contraint et en craignant la mort, sans que cela ne le fasse sortir de l'islam, tant que son cœur reste serein sur la foi. Que ceux d'avant nous sont fait tuer pour leur foi. Subhanallah. Rahimahumullah. Ils sont au Jannah. Et donc, nous revenons à la parole d'Ibn Kathir. Et lorsqu'un scarabée passait, il disait, ça c'est ta divinité en dehors d'Allah. Et il disait oui. Et Al-Khabith, le pervers, l'ennemi d'Allah, Abu Jahl, Amr ibn Hisham, passa à côté de Soumaïa, Umm Ammar, alors qu'elle était torturée, ainsi que son mari et son fils. Et il lui plongea une lance dans l'utérus et la tua, qu'Allah l'agrée, ainsi que son fils et son mari. Et ça a été la première martyre de l'islam. Radiallahu anha. Et ceux-ci sont que les croyants ne leur causent aucun tort, mais par fanatisme pour leurs idoles et leur culture et leur peuple et leurs ancêtres et la voie sur laquelle ils étaient, ils n'acceptaient pas ça. Et donc tous les moyens étaient bons pour empêcher les gens de rentrer dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme mentir sur lui et écarter les gens du Coran, écarter les gens de lui en disant que c'est un fou, que c'est un sorcier, que c'est un poète. Et ça, le mensonge, c'est une des armes les plus utilisées par les gens du faux. Car bien évidemment, la vérité, elle est contre eux. Et elle est l'arme des gens du vrai. Ensuite, l'imam Ibn Kathir dit, وَكَانَ السِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ إِذَا مَرَّ بِأَحَدْ مِنَ الْمَوَالِي يُعَذَّبْ يَشْتَرِيهِ مِنْ مَوَالِيهِ وَيُعْتِقُهُ مِنْهُمْ بِلَالْ وَأُمُّهُ حَمَامَةُ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَأُمُّ عَبَسٍ وَزِنَيْرَةَ وَالنَّهْدِيَّةَ وَابْنَتُهَا وَجَارِيَةَ لِبَنِي عَدِيٍّ كَانَ عُمَرُ يُعَذِّبُهَا عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ. Donc Abu Bakr As-Siddiq, As-Siddiq, le grand véridique. Comme le prophète Sassam a dit, وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. l'homme ne cesse d'être véridique et de s'attacher à la véracité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme siddiq, comme grand véridique. Et les véridiques sont les meilleurs, les plus élevés des gens après les prophètes. Et eux également ont cette caractéristique de la véracité, bien évidemment, les prophètes. Allah Azzawajal a dit Ma'alladhina an'ama Allahu alayhim minal nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Parmi ceux que Allah a comblés de bienfaits, parmi les prophètes et les véridiques et les martyrs et les pieux, et quel bon compagnon que cela. Donc les véridiques sont plus élevés que les martyrs. Donc lorsque As-Siddiq passait auprès d'un esclave qui était torturé, il l'achetait à ses propriétaires et le libérait. Parmi eux, Bilal et sa mère Hamama, et Amir ibn Fuhaira, Mu'abbas et Zinnayra, et Nahdiya et sa fille, et une femme de Bani Adi, que Omar torturait à cause de l'islam avant qu'il se convertisse à l'islam. Radiallahu an. Et Ibn Majah rapporte dans son Sunan, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, qui est parmi les grands savants des Sahaba, et qui est celui qui est voulu lorsqu'on dit Abdullah. Les Salaf, lorsqu'ils disaient Abdullah, c'était Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an. Et ils ne rentrent pas dans ce qu'on appelle les Abadillah, qui est le pluriel de Abdullah, Abadillah, qui sont les compagnons dont la mort a été tardive, et qui s'appellent tous Abdullah. Et eux, ce sont Abdullah ibn Omar, et Abdullah ibn Amr, ibn al-As, et Abdullah ibn Zubayr, et Abdullah ibn Abbas, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, turjuman al-Qur'an, l'interprétateur du Qur'an, al-Hibr, al-Bahr, grand savant. Donc ceux-là sont ceux qu'on appelle al-Abadillah. Donc il dit que les premiers à avoir montré l'islam sont sept, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, et Ammar, donc dont la mère a été tuée, et qui est la première martyre, comme on l'a vu précédemment, et sa mère donc, Soumaïa, et Suhaïb, et Bilal, et Al-Miqdad. Quant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a préservé par son oncle, Abu Talib. Quant à Abu Bakr, Allah l'a préservé par son peuple. Et quant aux autres, les associateurs les ont pris, et leur ont fait porter des armures de fer, et ils les placèrent au soleil, sous le soleil, c'est-à-dire, ils les laissaient brûler à l'intérieur de ce métal. Allah al-Musta'an. Donc tous ont donné aux associateurs ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ont prononcé le kufr, sauf Bilal. Et il n'a pas considéré sa propre vie par rapport à Allah Azzawajal, c'est-à-dire par rapport à l'unicité d'Allah Azzawajal, il ne faisait pas attention à sa propre vie, donc il n'a pas considéré le fait de pouvoir mourir. Et également, il ne donna pas de considération à son peuple. Et ils le donnèrent aux enfants. Et les enfants allaient avec lui sur les cimes de Mecca. Et lui disait « Ahad, Ahad », unique, unique. L'unicité d'Allah, Azzawajal. Ce pourquoi les musulmans ont été combattus à Mecca. Qui était un peuple d'associateurs, donc ils n'acceptaient pas que Allah soit rendu unique. « Ja'ala l'alihata ilahan wahida, inna hadha la shayma ujab » Va-t-il faire des divinités une seule? C'est là une chose étrange. Et ce hadith a été jugé bon par les deux imams al-Albani et al-Wadi'i. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك